Étude d'un dépliant publicitaire décrivant les fleurs de Bac conditionnées en granules. Ce dépliant s'adresse aux personnes souffrant de, ouvrez les guillemets, peur, solitude, influence, doute, préoccupation, désintérêt ou désespoir. Fermez les guillemets. C'est-à-dire toute personne dans un état de vulnérabilité psychologique. Nous avons là une cible marketing clairement identifiée. À l'origine, Édouard Bach, médecin, décrit sa perception d'une force émanant de certaines fleurs. Il ne s'agit donc pas d'une étude sur des effets curatifs avérés de certaines substances, mais des impressions et des émotions générées sur cette personne par des fleurs. Les 38 émotions négatives combattues et la diversité des solutions proposées donnent l'impression au lecteur d'une grande précision et donc d'une étude approfondie des effets de chacun des élixirs, ce qui n'est donc pas le cas et qui est finalement impossible pour des notions aussi subjectives et complexes. Composition des granules. On apprend qu'il s'agit de cassonades imprégnées de l'équivalent de 2 gouttes d'élixir mère, dont on ne connaît pas la concentration, donc la quantité de produits actifs. Aucune explication sur la composition de l'élixir mère censé contenir le produit actif, si ce n'est le mot anglais de la plante, plus à la mode que les 2 noms latins genre espèce censés définir précisément la plante. Le mystère entourant la fabrication permet à l'imagination du client potentiel de travailler. En recherchant des informations par ailleurs, on découvre qu'il s'agit soit de pétales de fleurs dans de l'eau placée au soleil, soit d'une infusion de ces pétales pour élaborer un élixir ensuite dilué dans de l'alcool. Le produit actif serait donc très dilué puisqu'on n'absorberait que 2 gouttes de cette infusion par granule, ne risquant ainsi aucun effet indésirable pour cause d'éventuelle allergie. Le dépliant parle pourtant de concentration extrême dans la granule nécessitant de limiter la quantité administrée. La description de la posologie à l'identique d'un médicament contenant un produit actif renforce encore l'impression de puissance des effets des granules. Renforcé à la chromothérapie, dit le dépliant. Après avoir déclaré que la lumière solaire agit sur le psychisme, le document nous apprend que l'application des couleurs sur l'élixir va en augmenter l'énergie vibrationnelle. Sans expliquer la signification de ce langage pseudo-scientifique, on trouve ces termes sur des sites allumés mélangeant ufologie, chakras, etc., il confond les effets sur le psychisme et ceux sur la matière inerte, c'est-à-dire l'infusion de la plante, en sous-entendant qu'ils sont affectés de façon identique par les différents spectres lumineux. De plus, les différentes couleurs affectées aux catégories de plantes le sont sans aucune explication de critères. Par contre, le classement par couleur fournit l'esthétique à un tableau donnant l'image d'une symétrie et d'un classement scientifique, résultat d'un long travail de recherche. Le but de ce dépliant publicitaire est donc de faire adhérer le lecteur à la croyance de l'efficacité globale des fleurs de Bach, et non à un produit particulier. Ceci explique pourquoi il y a si peu d'informations sur chacun des produits proposés. Peu importe le produit, puisque c'est la croyance qui va soigner. Au vu de ces constats, on peut affirmer que les fleurs de Bach en granules de ce fabricant sont arrangées dans la catégorie des placebos. Comme le public ciblé est particulièrement sensibilisé, et à condition qu'il s'imprègne bien du message publicitaire et qu'il paie suffisamment cher les granules pour justifier leur valeur, celles-ci auront un résultat globalement positif qui va satisfaire le client, ce qui entretiendra l'image d'un produit assez efficace. Pour le docteur Patrick Lemoine, psychiatre, ce ne sont pas les produits qui agissent, mais l'effet placebo. Ouvrez les guillemets. C'est une résurgence de ce que l'on appelait au Moyen-Âge la théorie des signatures. Le créateur signait son œuvre et quand il y avait une feuille d'arbre en forme de poumon, on disait qu'elle soignait les maladies du poumon. La fleur de Bach reprend cette théorie des signatures de manière très sémantique. Il n'y a pas plus poétique que d'utiliser ces fleurs grâce à leur nom, et du coup, ça peut tout soigner, car l'effet placebo est universel. À noter que le discours fourni dans le dépliant ne recèle aucun mensonge avéré, afin de ne pas être attaquable juridiquement.